France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 95. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 18 novembre 2007, 11h07. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es très agile de tes doigts, tu es tour de passe-passe, tu es climax ou gimmick, tu es Gérard Majax, tu es tourterelle planquée dans ta manche ou lapine dans ton grand chapeau, et tu es aussi... Bienvenue au 25e congrès de la magie. Ce soir pour vous, le magicien de France 2, Sylvain Miroufle, et surtout pour les dom-toms. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es au merveilleux royaume de l'illusion, tu es magicien. Alors, depuis quelques jours, comme tu l'as sans doute remarqué, un grand magicien s'amuse sur le territoire français. Ici, ce sont des tribunaux qui disparaissent, par là, c'est le corps universitaire coupé en deux, et partout, ce sont des trains escamotés. Oui, mon ami, le facétieux Garcimore serait-il de retour parmi nous? Eh bien, afin d'en savoir plus sur l'illusionnisme, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, d'explorer les arcanes mystérieuses de la magie. Et pour commencer d'ailleurs, de Merlin l'enchanteur à Méliès le réalisateur escamoteur, nous tenterons de faire réapparaître sans trucage les grandes figures de la prestidigitation. Ensuite, durant quelques minutes, nous te prouverons qu'être magicien aujourd'hui demeure une profession qui offre toute une série d'avantages très enviables. Et dans la foulée justement, un magicien pseudo-américain viendra nous révéler ses secrets pour séduire Claudia Schiffer comme nulle part ailleurs. Et puis, figure-toi que nous avons découvert qu'il existe quelque part en France, à l'usage de nos leaders politiques, une incroyable école de sorciers où nous nous sommes téléportés. Et enfin, nous te dévoilerons comment Monique s'est aperçue à son grand étonnement hier soir qu'en réalité, elle partage son quotidien avec un grand magicien, cet escroc de Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et tiens, voilà du houdin. Sure, exactly what I find. Only in my dreams I'll take you on. Just an Illusion. C'est ce que constatait en 1982 le groupe Imagination. Remarque, cette semaine aussi, il a fallu beaucoup d'imagination pour croire que cette baisse du chômage annoncée par l'INSEE grâce à sa nouvelle méthode de calcul magique n'était pas qu'une illusion. Alors aujourd'hui, pour sortir du train-train quotidien, du métro, boulot, dodo et de toutes ces augmentations qui grèvent notre budget, la panique au Mangin Palace a donc décidé de mettre un peu de fantastique dans ton dimanche matin. Abracadabra, désormais tu es magicien. Être magicien, c'est être capable de produire des effets extraordinaires, de manier l'illusion et de jouer avec la réalité et les impressions. Mais tout cela dans quel but ? Eh bien, posséder des pouvoirs hors du commun, c'est un moyen d'imposer son ascendant et de dominer la situation. C'est pourquoi la magie fut longtemps reliée aux religieux. Ainsi, Moïse, avant l'Exode, se lança dans un véritable concours avec les magiciens du pharaon et il transforma son bâton en serpent. À l'époque, Moïse a d'ailleurs obtenu un mandrake d'or pour l'ensemble de son œuvre. Mais bon, dans l'Antiquité, à Jérusalem notamment, certains professionnels font déjà la distinction entre les pouvoirs surnaturels et l'art de l'illusionniste. Je veux que vous sachiez tous que chaque tour que vous avez vu dans mon théâtre n'était qu'illusion. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions. Ce sont des trucages, rien n'est réel. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas ramener à la vie un être qui est mort. Je n'ai reçu aucun message en provenance de l'au-delà. Alléluia, alléluia. Je vous présente mes excuses si je vous ai donné de faux espoirs. Ma seule intention était de vous divertir, rien de plus. Alléluia. Divertir, c'est bien, mais profiter de la fascination, c'est mieux. D'ailleurs, subjuguer les foules grâce à ses pouvoirs incroyables exige du magicien qu'il s'adapte aux coutumes locales et qu'il se distingue par son costume, par sa façon de parler et surtout par sa manière de se présenter. Elias de Kellywick, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, pourfendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion de toute puissance, prophète des... Bon, bah, ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si ? Bah, entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin Le druidisme expliqué aux personnes âgées... Eh bah, c'est bon, c'est bon. Vous avez raison, ça va prendre une plombe. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron. Putain, il est fort, ce con. Quoi, c'est tout ? C'est ça, votre énigme ? Attendez, une autre. Ok, on va arrêter le tir avec les défis. Les défis de magicien, c'est effectivement un grand classique de la discipline. Cependant, après le triomphe de l'Église, la magie devient suspecte, car associée à la sorcellerie. Elle est donc condamnée. Néanmoins, le mot « magie » couvre plusieurs réalités, allant du mage surnaturel à l'escamoteur habile de ses doigts, de ses manches et de ses poches. Du reste, c'est cet art de l'illusion que met en valeur Jean-Eugène Robert Houdin, le grand magicien et le théoricien de la discipline au XIXe siècle. Robert Houdin compte parmi les premiers à avoir dénoncé l'utilisation religieuse de la magie. Cette rivalité est d'ailleurs sans fin et jusqu'au bout du monde. La radiodiffusion et télévision française présente De la magie au fakirisme, ou le congrès de l'illusion, une production de Samy Simon. C'est qu'en effet, il existe, entre les deux honorables corporations, un état que l'on pourrait qualifier de guerre froide. Les premiers reprochant aux seconds de leur faire une concurrence déloyale en mettant au compte de pouvoirs surnaturels un certain nombre d'exploits spectaculaires ne relevant d'après eux que de l'art du trucage. « Bas les masques, messieurs, leur disent-ils, sous vos robes de magiciens, sous vos oripeaux constellés, vos turbans à aigrettes, vous n'êtes rien d'autre en vérité que des manières de frères clandestins, d'illusionnistes honteux, de prestidigitateurs qui n'osent pas dire leur nom. vos enterrés vivants, vos avaleurs de pétrole enflammés, vos suppliciés de la planche à clous ne nous impressionnent pas. Nous aussi, nous avons pratiqué la multiplication des lapins, faire apparaître ou disparaître les fantômes, subtiliser les bretelles d'un kidam à distance, lire dans la pensée et décapiter sur scène la même victime tous les soirs. Seulement, nous, pour accomplir ces miracles, nous n'avons nul besoin du secours du Bouddha ni de la science des yogis. Mais parfois, le secours du Bouddha ou la science des yogis ne sont même pas revendiqués par de grands mages contemporains, comme par exemple Uri Geller, un habitué des plateaux télé. Ceux qui ont regardé la télévision hier soir, et notamment Droit de réponse sur la Une, il n'y en a qu'une, c'est la Une, eh bien ceux-là ont eu droit à un véritable spectacle qui oscillait entre, je dirais, la science et la prestidigitation. L'invité, c'était Uri Geller, qui, vous le savez, tord des couverts, des barres de fer. Bref, un homme au pouvoir, entre guillemets, extraordinaire. Et puis, brutalement, Gérard Majax, le prestidigitateur bien connu, sort, c'est le mot, comme un diable d'une boîte. Il bondit sur le plateau et traite Geller de charlatan. Il dit n'importe quoi à n'importe qui parce que le boniment fait partie du métier d'illusionniste. Ainsi, la magie est devenue un spectacle et le prestidigitateur, un artiste. Et dans la lignée de Robert Houdin, il y en a plein, comme le prodigieux Georges Méliès ou encore le fameux Houdini. Mais les sommités de la magie, elles ont parfois la vie dure. Gribouille est sauvée, elle pourra bientôt remonter sur les planches, sans doute d'ici à 3 semaines. Gribouille est une vedette du music-hall de Brazzaville. Lors d'un numéro de prestidigitation, elle s'est cassé un membre. Il a fallu la transporter en France pour l'opérer dans une clinique de Cagnes-sur-Mer, près de Nice. Gribouille est passée entre les mains d'un chirurgien vétérinaire, car c'est d'une lapine qu'il s'agit, une lapine naine albinose qui travaille avec le magicien Guy Lingley. Le docteur Michel Pitois, qui a opéré l'animal, nous raconte l'aventure de Gribouille. Il a la patte un petit peu déformée, mais il saute, il court. Et il va reprendre son exercice, son patron va le récupérer la semaine prochaine et va le rééduquer avant de le remettre en scène et le faire travailler avec les autres petits copains. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Gribouille va regagner le pays des zébus et des éléphants. Gribouille, une star de musical parmi les zébus et les éléphants. Alors voilà, grâce à Robert Houdin et ses copains, la magie est donc passée du surnaturel à la dextérité manuelle. Il reste cependant quelques règles fondamentales. Le boniment à foison, l'esbrouffe imposante et surtout la mainmise sur l'ensemble de l'espace scénique. Magicien, vois-tu ce soir, j'ai besoin de ton pouvoir. Je pense, mes chers amis, à cette profonde rupture, à la remise en cause des privilèges indus, des conservatismes qui bloquent l'élan de la société vers l'avenir. Magicien, entre tes mains, mon destin se joue demain. La France serait condamnée au déclin si elle restait immobile. Magicien, tu es maudit, on te craint et l'on te fuit. Et l'on dit qu'à la nuit, ton mauvais génie l'emporte. Et voilà. C'est clair, le magicien, c'est quand même le roi pour remporter tous les suffrages. Il faut dire qu'il nous épate toujours, le magicien, avec ses tours incroyables qui touchent parfois au poétique. Tiens, par exemple, la cage est vide. Il la couvre d'un tissu, il dit abracadabra, il découvre la cage. Le truc, c'est que dedans, il y a maintenant un humain qui voyage. Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte qu'aux États-Unis, une vallée est morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain. À mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge. Un homme sans trucage. Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains d'aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans article, puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y. Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda. Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage. L'homme sans trucage, chanson interprétée par un duo improbable composé de Jean Rochefort et de Dionysos. Dionysos, dieu antique qui soi-disant est sorti de la cuisse de son père Zeus sans trucage, comme un lapin sort du chapeau. Mais ce n'est pas logique, ces Grecs c'est vraiment des gros mythos. Alors, que nous dit l'horloge du Mangin Palace? Eh bien, il est désormais 11h23 et après avoir revisité l'histoire de la magie, il est temps dès à présent de te prouver qu'être magicien aujourd'hui demeure une mystérieuse profession riche en privilèges. Oui, mon ami, sais-tu réellement ce que signifie maîtriser la magie ? Avant tout, connais-tu ce Giuseppe Balsamo, magicien italien qui vivait en France à la fin du XVIIIe siècle et plus connu sous le pseudonyme du comte de Cagliostro? Dans les salons aristocratiques de Paris, son succès fut immédiat, car figure-toi que ce charlatan, maître des illusions, prétendait également posséder une eau de jouvence, un sérum secret de perpétuelle jeunesse. Bien entendu, cette potion magique n'était une fois de plus qu'une escroquerie, mais Cagliostro s'en est subtilement servi afin d'asseoir sa puissante notoriété auprès des cercles du pouvoir. Eh bien, réussir à faire gober au monde que tu connais les ingrédients d'une potion magique, capable des miracles les plus saisissants, voilà un privilège merveilleux, mon ami, qui te permet parfois d'accéder à la gloire. Seulement attention, pour refourguer une potion magique aujourd'hui, comme sut le faire le comte de Cagliostro, encore faut-il être un magicien crédible. Arrêtez d'être chiant, c'est pas facile. Mais pour moi, ça devenait une nécessité. Alors pour m'aider à décrocher définitivement, j'ai choisi Ennuyex. Regardez, Ennuyex, c'est un simple patch qui vous protège efficacement de l'envie d'être chiant en diffusant dans votre corps pendant 24 heures de la chiantine qui atténue la sensation de manque. Et voilà, grâce à Ennuyex, maintenant je passe des journées entières sans être chiant et j'arrive même à sortir des blagues de cul. Abracadabrantesque. Cela dit, faire croire que l'on maîtrise la recette d'une authentique potion magique n'est pas chose aisée non plus, d'autant que le chaland est devenu plus sceptique qu'auparavant. En revanche, nous nous sommes aperçus que les facultés d'adaptation du magicien des temps modernes sont incroyables. En effet, le magicien d'aujourd'hui a su tirer profit des progrès technologiques. On apprend beaucoup de choses au détour d'un procès. Hier, la Cour d'appel de Paris a estimé que notre confrère Didier Hadès, en dénonçant la pratique des messages subliminaux dans les supermarchés, n'avait pas tenu de propos diffamatoires puisque les messages subliminaux dans les supermarchés ne sont pas interdits. Je précise pour ceux qui ne sauraient pas qu'on peut toucher le subconscient des gens qui fréquentent par exemple un supermarché. On peut leur dire notamment qu'il ne faut pas voler. C'est un sujet important puisque chaque année, le vol à l'étalage coûte, je crois, environ 20 milliards de francs aux professionnels. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un message subliminal diffusé généralement sur fond de musique d'ambiance. Encore une fois, votre oreille ne peut pas le capter, mais votre subconscient l'enregistre si vous passez suffisamment de temps dans le magasin. Parle encore de moi pendant 5 minutes. Et rappelle que les chiffres de la délinquance ont baissé. Annonce que je suis en tête dans les sondages et que je fais du super boulot. Abracadabrantesque. Oui, la magie des temps modernes, c'est abracadabrantesque. N'est-ce pas, Jacques? D'ailleurs, président Chirac a été bluffé par ce Merlin New Age. Encore que toi, Jacques, en termes de prestidigitation, là, certes, c'était une magie de papa, Mais tu en as bien profité, toi aussi, et personne ici n'irait contester l'étendue de ton talent. C'était un illusionniste, amoureux de son métier. Tous les gens dans son quartier disaient de lui, c'est un artiste. Dans les manches de son veston, il a toujours deux pigeons. Dans le creux de son gibus, il emporte un lapin russe. Sous sa cravate lavalière, il cache un coq de bruyère. Cocorico, chut, tais-toi. Alors, après la gloire et la manipulation des esprits, quels sont les autres pouvoirs que peut offrir la maîtrise de la magie? Eh bien, si tu es un excellent magicien, attention, un type dont les tours de passe-passe font réellement rêver les enfants comme les grands, c'est alors peut-être l'occasion pour toi de t'en foutre plein les fouilles. Oui, c'est moi, je suis magicien pour Michel Drucker, le dimanche après-midi sur France 2. Je fais des tournées de magie pour les vieilles dames. Avant, je travaillais au port de Clignancourt, pas loin de Barbès. Je jouais au bonto. J'arnaquais tous les touristes, tous les jours. Le bonto, c'est très simple. La rouge gagne, les noirs perdent, d'accord? Je la retourne, elle veut trouver la rouge, d'accord? Elle est où la rouge? Mélange. Elle est où la rouge? Elle est où? Là. Là, la rouge. Non, elle est là. Elle est là. On va voir qui c'est qui a gagné. T'as perdu tout ton argent? Je te prends ton argent. Elle est là, on va voir si t'as gagné. Elle est là, la rouge, alors. Non, faut pas toucher. Je sais. Elle est où, la rouge? Peut-être qu'elle est partie acheter des gâteaux. Attends, non, mec, s'il vous plaît. Magicien et s'en foutre plein les fouilles, oui. À la seule condition, bien sûr, que personne ne découvre tes petites astuces. Et puis, figure-toi que la magie contient également de merveilleuses vertus thérapeutiques. Que me racontes-tu, me diras-tu? Démonstration. Prenons le cas clinique, par exemple, d'une personne torturée par ses pulsions zoophiles sadomaso, tendance écolo. Eh bien, pour cette personne, devenir magicien peut être salvateur. Moi, je t'ai changé en chien et je t'ai attaché dans mon jardin. Je m'appelle Mandrake, le magicien. Toi et moi, je t'ai changé en fleur, et puis je t'ai cueilli pour que tu meures. Je m'appelle Mandrake, le magicien. Eh oui. Parfois, devenir magicien, c'est élargir le champ des possibles que la morale réfrène. D'ailleurs, à ce propos, la magie t'offre également la liberté de pouvoir te venger de cette vieille voisine acariâtre qui t'emmerde, par exemple, sans que personne ne puisse t'accuser de quoi que ce soit, bien sûr. Mais pour finir sur une note moins funèbre, revenons à cette histoire étrange des poires qui sautent chez cette vieille dame de moulin, Madame Esquirol. Notre correspondant de Lyon, qui nous avait fait part hier de cet étrange phénomène, nous a rappelé ce matin. J'ai vu de mes pleins yeux les poires qui sautaient. Oui, monsieur, c'est vrai. Des poires et des soubédoubé. Oui, c'est aïe, vrai. Aïe, aïe, aïe. Ma et fille, vous avez eu peur, là. Oui. Non, j'en ai rien encore. Alors, d'où ça vient? C'est ça que je me demande. Des poires et des soubédoubé. Moi, je ne crois pas aux sorciers, monsieur. Oui. Quand je me suis levée, j'en étais couverte. Et d'où ça vient? C'est couverte de poire, madame? Oui, monsieur. J'en avais sous mes fesses, j'en avais tous les côtés. D'où ça vient? C'est ça que je veux savoir. Eh bien, voilà, maintenant, chers auditeurs, c'est vous qui êtes juge. Vous pourrez discuter entre vous pour savoir si, oui ou non, les poires 10 heures dans l'Allier ont sauté. En attendant, eh bien, nous classons cela au dossier de la magie. Abracadabrantesque. Alors maintenant, toujours dans notre illusion auditive pour te persuader que devenir magicien, c'est l'assurance de conserver un régime spécial de privilèges, nous allons percevoir que le prestidigitateur possède de redoutables secrets de séduction. On découvre cela nulle part ailleurs, juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Bonsoir, monsieur Ajax, je suis... Non pas Bernard Montiel, mais David Copperfield, le célèbre magicien de Las Vegas, et voici ma fiancée, la célèbre top modèle Claudia Chiffon. Je suis meilleur magicien que vous. La preuve. Vous vous demandez comment un ringard déguisé comme moi a pu emballer un canon pareil? Ah oui, vraiment. Ça, c'est simple et m'a littéralement embouté. Eh bien, grâce à un filtre magique, composé de jus de saucisse de Francfort, deux gouttes de Chanel numéro 5 et une touffe de poils de la queue de cheval de Karl Lagerfeld. Je n'ai eu qu'à m'en parfumer. Je n'ai eu qu'à m'en parfumer pour que Claudia soit irrésistiblement attirée vers moi. Regardez-la. Ah, à moi, l'odeur des queues de cheval, ça me bouleverse. Elle m'a offert de nouvelles possibilités pour faire disparaître des objets ou en faire apparaître. Par exemple, je montre un objet à Claudia. Je le fais disparaître, il réapparaît. Je le refais disparaître, il réapparaît. Je recache cet objet. Ah, David a une baguette très magique. Et au bout d'un moment, je prononce la formule magique. Ah, ah, ah, oui, oui, oui, là maintenant, et comme par enchantement, l'objet prend une taille plus réduite. Et là, généralement, il s'endort aussitôt. C'est exact. Allez, continue en C'est exact. Épuisé par ce tour de magie qui exige une concentration extrême, je m'endors peu après. If you find yourself standing in the courtyard of a dream that's not your own, flashes of silver and saffron, wind off the ocean floor, you can call on me. Since the last time you pulled yourself through, you can call on me, call on me, 'cause I haven't strayed since the last time you last time found your own way. Spinning off into the thunder, trying to outrun mankind. Call on me, c'est ce que réclame l'américain Morley, successeur paraît-il de Presley, mais aussi du guitariste Johnny Burnett. Les trois réunis auraient sans doute formé un big band magique avec Kate Bush et Thierry Lang, bien sûr. Alors maintenant, à 11h34 et toujours en direct du Mangin Palace, il est temps de te révéler ce que nous avons découvert cette semaine. Figure-toi, mon ami, qu'il existe quelque part en France, dans un monde parallèle, un incroyable établissement scolaire de magie qu'ont fréquenté dans leur jeunesse la plupart de nos leaders politiques. Bienvenue à l'École des sorciers de la République. Au XIXe siècle, dans le plus grand secret, Jean-Eugène Robert Houdin, le célèbre magicien, décida, paraît-il, de créer une école de sorciers près de Blois, dans le Loir-et-Cher. À l'origine, cette institution de magiciens, désormais centenaire, fut conçue dans l'idée d'offrir à nos leaders politiques une cartouchière de pouvoir magique et une formation idéologique afin de lutter contre les tentations du côté obscur de la force. C'est ainsi que depuis des lustres, présidents, ministres et députés sont en réalité les produits de cette école de sorciers. D'ailleurs, dès leur arrivée, dans ce château lugubre et austère, les jeunes pensionnaires sont pris en charge par un corps enseignant très particulier. Je me présente, je m'appelle Merlin. Et toi, comment t'appelles-tu ? Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes. Il se trouve que je vois l'avenir. Je suis un enchanteur et un devin. Vous savez, d'abord, je pense que les Français estiment que les socialistes parlent trop entre eux. Sans instruction, on n'arrive à rien. Aussi, je vais m'instituer ton professeur. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une urgence pour reconstruire un parti socialiste élargi. Mais en tout cas, ne pense pas que tout s'arrange avec la magie et qu'elle résout tous les problèmes. Parce que c'est faux. Donc je ne veux pas tomber là-dedans. Mais on va changer tout ça. Nous allons effectuer une révolution. Aujourd'hui, je pense que le moment est venu d'abord de travailler, de se remettre au travail. Ah, c'est ça qui est grave dans le monde d'aujourd'hui. Personne ne réfléchit, ne pense, ne prévoit. Du muscle, mais pas de cerveau. Nous avons besoin de mobiliser les énergies de façon positive pour que le pays avance et que chacun s'y sente bien. Eh oui, bien sûr. Alors, il faut faire des plans pour l'avenir. Comment est-ce que j'aurais fait la relance de la croissance? Certainement pas en faisant des cadeaux fiscaux aux rentiers. Non, non, non, ces choses-là, je n'y touche pas. Ma magie est surtout bénéfique. En fait, c'est pour ça que je viens ici. Je vais instruire le moustique. Si tu crois que c'est en insultant, eh ben, permets-moi de te dire... Viens. Oui. Alors même qu'il n'était qu'apprenti sorcier, le jeune Nicolas était déjà un élève très énervé. Il était impatient de découvrir la force que pouvait lui offrir la magie. À l'époque de Ségolène et Nicolas, cette école de sorciers fut secouée par une féroce lutte de clans fondée sur une idéologie contradictoire. D'ailleurs, le clan de la fée Clochette se souvient encore des mots très durs qu'avait employé un soir Brice Hortefeux, apprenti sorcier lui aussi, à l'égard de Ségolène qui fut blessée dans son fort intérieur. Il m'a traité de sang de bourbe. Oh, il n'a pas fait ça. C'est quoi un sang de bourbe? Ça veut dire sang impur. Sang de bourbe est un nom infâme pour quelqu'un né de parents moldus, de parents sans pouvoir magique. Quelqu'un comme moi. Ce n'est pas un terme qu'on entend dans une conversation polie. Il faut que tu saches que certains sorciers pensent qu'ils valent mieux que les autres parce qu'ils ont ce qu'on appelle un sang pur. C'est répugnant. Et en plus, ce sont des balivernes. Sang impur. De nos jours, il n'y a pas un sorcier qui n'ait pas de sang de moldu dans les veines. C'est donc dans cette école de sorciers que se sont forgés les antagonismes idéologiques de cette nouvelle génération politique. Comme leurs aînés, ils y ont tout appris, et notamment la composition des formules magiques afin de conquérir le pouvoir. D'ailleurs, à l'époque, le clan des magiciens de droite, conduit par Nicolas l'Enchanteur, avait mis au point justement une redoutable formule magique. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. D'un cœur léger, d'un pardon, c'est le très grand rassemblement. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. Abracadabrantesque. Face à cette incroyable formule magique, l'apprentie magicienne Ségolène tenta elle aussi de mettre au point un sortilège d'escamotage à l'encontre de Nicolas l'Enchanteur. Par les forces obscures des fils de Séléné, les cornes de chèvre et de vache et la queue poilue du bouc, empare-toi de cet être néfaste et emporte-le loin de mes yeux! Évidemment, on connaît la suite et ce joli tour de passe-passe n'a pas été très efficace. Et pourtant, cette école de sorciers offre le meilleur enseignement de sorcellerie politique. Il n'est qu'à se souvenir de ce magnifique spectacle de magie sonore qu'avait organisé à l'époque dans cette école l'élève François Bayrou. Est-ce que je puis dire un seul mot à nos amis porteurs de cornes de brume? La corne de brume, de toutes nos forces. D'accord. Là, vous avez le droit d'applaudir, comme ça je bois un coup. Élu président de la corne de brume, je nommerai un gouvernement avec des cornes de brume. Alors moi je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Bon ben oui, François Bayrou c'est un peu l'héritier de Garcimore en politique. Cela dit, le plus difficile avec cette école de sorciers n'est pas tant d'y entrer mais plutôt d'en sortir. Car une fois de retour à la vie normale, les sorciers de la République retrouvent leur intimité et ils doivent alors apprendre à vivre avec de simples mortels. Ce fut le cas pour Ségolène, par exemple, puisque François Hollande, lui, n'est pas du tout un magicien. Alors du coup, lorsqu'elle est rentrée à la maison, ce fut un sacré bordel. Je suis une sorcière, une vraie, qui jette des sorts, se promène dans les airs et se sert d'un chaudron magique. Écoute, si tu es une sorcière, où est ton balai? Où est ton chaudron? Et qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir, hein? Je sens qu'il faut que je te prouve que je suis vraiment une sorcière. Oh, mais moi, ce n'est pas pour me déplaire. Quoi? Les tours de magie. Même des tours très classiques. Il me faudrait un remontant. Plutôt un martini sec. Avec une paille. tu es une sorcière. C'est ce que je me tue à te dire depuis une heure. Forcément, François Hollande fut effrayé par cette révélation lorsqu'un simple mortel fréquente une magicienne comme Ségolène, la relation malheureusement peut s'envenimer. Cela dit, le retour de Nicolas l'Enchanteur à la maison ne fut pas si simple non plus. À la seule différence que le sarcomage, lui, grâce à la puissance de ses pouvoirs, est parvenu à ensorceler son entourage. Et lorsqu'il se sent esselé, il lance un sort à Rachida Dati, par exemple, qui trouve immédiatement les mots magiques pour le rassurer. Il fait souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient, il use d'un mot et l'on se dit, c'est un grand magicien. Les ducs et Maharaj apprennent le temps de m'écouter. À l'aide d'un simple mot, je fais qu'ils m'invitent à déjeuner. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est un peu trop d'approche. Mais faut dire et vous êtes un amant et plus précoce. Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne Docius, Aliex, Christique, Fragile, Cali, Super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitablement. Au final, il est une certitude quant à cette école de sorciers. Il est évident que Nicolas l'Enchanteur a beaucoup appris lors de sa formation auprès des vieux maîtres magiciens de son clan. D'ailleurs, son plus beau tour de magie demeure encore aujourd'hui une véritable prouesse, digne d'un spectacle de Las Vegas, à savoir l'ensorcellement réussi de certains ténors socialistes qui désormais, dis donc, tiennent un discours étrange et mystérieux, abracadabra. La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins, à commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa, ce qui passe à la radio, pourquoi je n'aimais pas ça, tout c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens? Mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le haut. Savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite. Je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai. Ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat. Mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul à trio qu'applaudit pas. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpable. Fini le partage, vive le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pique. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi, ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer, sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées, les mauvais éboueurs seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on doit supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite, les improductifs pas de chance. Je vote à droite, marre d'être taxé à outrance, comme Florent Pagny, quitter la France. Et puis merde, je vote à droite, c'est ce qu'ont décidé finalement les résignés Fatal Picard. Mais c'est aussi le plus grand tour de magie électorale orchestré par le grand marabout Chirac pour sa réélection en 2002. Puisqu'à l'époque, souviens-toi, la France entière a voté à droite. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, il est l'heure de retrouver les enchanteurs et ensorceleurs quoiqu'un peu mystificateur, les fabuleux Monique et Jean-Claude. Hier soir, nos deux héros intrépides ont bravé le froid pour se rendre à la salle des fêtes de Grosboule-les-Bains afin d'assister à un joli spectacle de magie. Monique et Jean-Claude se sont installés au premier rang, mais Jean-Claude, lui, il est complètement blasé par ce genre de spectacle. La magie, ça le gonfle grave. Monique, elle, est très émoustillée, et quand le magicien s'adresse directement à elle pour lui demander ce qu'elle veut qu'il fasse apparaître, Monique est transportée par la poésie de la magie. Eh oh, je suis pas Monsieur Sarkozy, moi, madame, hein ? Répond à Monique le magicien. Et ce n'est donc pas une colombe, mais un lapin qu'il extrait de son chapeau. Le public est subjugué. Sauf que voilà, parmi le public, justement, quelqu'un s'est levé et demande que l'on cesse ses applaudissements. Bien sûr, c'est Jean-Claude qui est debout pour protester. Je devrais rester assis alors que j'ai compris son truc. Il essaie de vous duper. J'essaie de vous éclairer. Qui poursuit la cause la plus noble ? Laissez-le faire son numéro. Oui, allez ! Très bien. Je vous propose un défi. Essayez donc de nous étonner, si vous le pouvez, mais sans tout cet attirail. Le magicien est complètement éberlué par la réaction de ce type-là. Soudain, Monique se lève à son tour et explique que le vrai défi serait de faire monter Jean-Claude sur scène pour qu'il joue un peu au magicien, afin de constater si c'est si facile. Ainsi, Jean-Claude se retrouve sur les planches, face au public. Et pour avoir l'air d'un professionnel, il chaparde la cape du magicien ainsi que le chapeau haute forme. Et au passage, Jean-Claude arrache une plume du croupion de la colombe de service parce que... J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En me voyant coiffé ainsi, toutes les jolies filles s'écrient « Oh là là, quel beau chapeau !» Ainsi, c'est avec son beau chapeau que Jean-Claude peut débuter son tour de magie dans la salle des fêtes de Grosboule-les-Bains. Et comme c'est un vrai showman, ce Jean-Claude, il chauffe le public à fond. Yeah, abracadabra, le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle, mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir. Jean-Claude, en costume de magicien face au public de Grosboule-les-Bains, commence alors son tour de passe-passe. Bon, merci et bonjour à tous. Alors, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous. Et alors, je vous fais quelques petits tours comme ça pour faire passer un petit moment. Alors, vous allez voir, pour commencer, la petite case va disparaître. Parce que comme il est déjà là, je ne peux pas le faire apparaître. Alors, s'il vous plaît, regarde bien. Hein? Look. Non, je compte trois, il s'en va, vous voyez. Un, deux. Il a une sorte de case dans la main. Il va faire un tour de magie, mais ça ne marche pas. L'instrument ne disparaît pas. Il est en panne. Jean-Claude est complètement humilié. Il vient de rater son tour de magie, lui qui croyait être un parfait prestidigitateur parce qu'on lui avait offert au Noël de ses 10 ans la boîte de jeux Gérard Majax et surtout parce qu'il regarde régulièrement à la télé le plus grand cabaret du monde. Dans la salle, seule Monique et ses mômes l'encouragent. Ridicule, Jean-Claude se retire donc en coulisses. Loin du public, il s'effondre sur la malle indienne et se prend la tête entre les mains. C'est alors qu'il aperçoit à ses pieds le lapin du magicien, là, par terre, qu'il le regarde. Jean-Claude explique alors au lapin qu'il ne comprend pas son échec ce soir, parce que bon sang... On est tous des magiciens amateurs ou professionnels. Tout le monde a des dons paranormaux ou des dons normaux. Je pense que... tout homme peut être Pikachu, toute femme peut être Mary Poppins. Non. Pikachu ou Mary Poppins, peu importe. Ce que Jean-Claude ne comprend toujours pas, c'est comment le magicien s'y est pris pour faire apparaître ce lapin. Jean-Claude a maintenant pris cette bestiole dans ses bras, il la caresse paisiblement. Ainsi donc, le magicien avait préparé à Lapin et Jean-Claude n'en avait pas. C'est étrange ça aussi, parce que d'après Jean-Claude... On a tous dans le cœur un lapin bien caché, bien enfoui dans un coin, qui se pointera sans manière, qui mettra dans ta main sa main. Le lapin, toujours entre les bras de Jean-Claude, lève alors doucement sa petite tête aux grandes oreilles. Son nez remue sans cesse, et le lapin regarde fixement Jean-Claude qui demeure toujours sans réponse sur les pouvoirs fantastiques du magicien. C'est alors que le petit lapin craque et déclare que c'est pas surnaturel, imbécile, mais que c'est... D'accord, c'était donc juste une illusion. Jean-Claude est super soulagé. Et pour se venger de son humiliation sur scène, il décide de ramener en loose dé son nouvel ami le lapin chez lui, à la maison. Quand Monique découvre que Jean-Claude a volé le lapin du magicien, elle n'en revient pas. Et puis, elle ne veut pas de ça chez elle, un lapin. Ça n'a aucun intérêt. Mais Jean-Claude tente alors de lui prouver le contraire. C'est cool, les lapins. Les lapins sont contents. Ils baisent, ils font ripaille, chez eux rien ne travaille que la bite et les dents. Nos amis les bêtes, nous nous moquons. Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Les lapins ne sont pas cons, et encore moins les lapins de magicien. Monique a donc accepté hier soir que le lapin reste à la maison. Jean-Claude, lui, de son côté, grâce au lapin du magicien, il a appris plein de secrets de prestidigitation. Qu'il a appliqué d'ailleurs dès la nuit tombée. Et ce matin, Monique est ravie de la nouvelle braguette magique du Jean-Claude. La nuit fut donc magique pour Monique et Jean-Claude qui sont sortis du lit sans trop y croire. Et là, en ce moment même, à 11h54, en écoutant la panique au Mangin Palace dans sa cuisine, Monique est en train de préparer un délicieux civet au pruneau. Fin de l'histoire. Jean-Claude devra donc trouver un nouveau jouet extraordinaire, mais Monique se souvient alors de ce qu'elle lui avait dit à propos des cadeaux de Noël quand il était môme. Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait quand il roulait, bah, quand il tournait, bah, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Tout étonné la première fois quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait quand il roulait, bah, quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne saurai jamais. Il marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis soudain disparut sous le lit. J'ai pleuré tandis que mon père lui riait aux éclats. Car en me retournant, je vis le jouet qui était derrière moi. Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Les années ont passé trop vite et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand je l'ai posé par terre, Il faisait tout. Vite quand il roulait, bas quand il tournait, gros quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne saurais jamais. Le jouet extraordinaire, c'est celui que préférait l'illusionniste Claude François, réinterprété en 1966 par la féerique Juliette Gréco, un authentique tour de passe-passe inédit réalisé sans trucage, parce que Juliette, elle ose reprendre les astuces du magicien. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre tour de passe-passe dans l'univers merveilleux de l'illusion. De Jean-Claude en Garcimore à Ségolène en Fée Clochette, du bâton de Moïse aux cornes de brume de Bayrou et des pros du Bonneto à Tire une carte au hasard, nous t'avons dressé un panorama complètement subjectif et totalement incomplet de ce que peut être la magie. Alors maintenant, pour finir, sache que nous sommes devenus des experts en prestidigitation. Et pour toi ce matin, ami auditeur, nous allons réaliser une prouesse exceptionnelle, un tour de magie sans trucage et en direct à la radio. Attention, moins de bruit en cuisine, s'il te plaît. J'ai devant moi un jeu de 4836 cartes et Xavier Mauduit est assis comme d'habitude à mes côtés. Je vais lui demander, pour toi, auditeur, de tirer une carte au hasard. Allez-y, Xavier, tirez une carte au hasard. N'importe laquelle. Oui, n'importe laquelle. Aïe. Maintenant, je vais me retourner et me boucher les oreilles le temps qu'il nous révèle, qu'il vous révèle de quelle carte il s'agit. Allez-y, Xavier, je ne vois rien, je n'entends rien. Alors, il s'agit du 8 de carreau. C'est bon ? Oui, Philippe Collin, on est prêt. Eh bien, je vois un fruit de mer, ami auditeur, un mollusque. Je vois une fenêtre, je dirais le 8 de carreau. Oh, bravo, c'est énorme ! Je pense que nous sommes prêts pour Las Vegas, Mauduit. Voilà, fin du 95e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la magie, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Footrack et archiloufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux. Merci beaucoup, Xavier. Au montage, platine et réalisation, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Ludovic Asselot et de Xavier Lévesque. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci aussi à Adèle Ponticelli, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefeyère pour toutes ses idées complémentaires. Voilà pour toutes les infos, justement, la panique. Pour cet site internet sur franceinter.com, où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. Et juste une chose, nous avons eu jeudi dernier les audiences de ces dernières semaines et vous continuez à être de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre tous les dimanches matins. La panique ne s'est jamais aussi bien portée depuis sa création et très très sincèrement, nous vous en remercions toutes et tous. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao.